Sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Ravi de vous retrouver pour ces deux heures de déflagration métallique, décrassage auditif garanti, plus de cérumen, par contre acouphènes garantie. Ça, c'est certain, mais enfin, vous devez avoir l'habitude. Depuis bientôt 19 ans, je pense que vous êtes rodés. Ce soir, qu'est-ce qui vous attend ? Eh bien, quelques nouveautés au nombre de 4. Et comme toujours, un petit survol, c'est tous les genres et sous-genres qui composent un petit peu notre style musical préféré, même si en deux heures, ce ne serait pas suffisant pour faire tout le tour de toute l'actualité qui est très très riche. Mais enfin, on fait ce qu'on peut. Allez, on va commencer tout de suite avec... On va se faire un petit tour en Mongolie, enfin plus exactement à Glastonbury, où les Mongols de The Who ont... apparemment fait une prestation du tonnerre, où je pense que comme pour Attila, l'herbe n'a pas repoussé sur le site depuis un bon moment, comme sur ce live à Glastonbury où on peut le constater avec le morceau qui ouvrait ce concert. Alors je m'excuse pour la prononciation, c'est Chitou Outou, voilà, enfin c'est comme ça que c'est écrit. Alors phonétiquement en mongol, je sais pas comment ça se prononce, mais enfin bref, allez, décrassons-nous les esgourdes avec The Who. We'll be right back. l'invasion mongole. Ouf, c'était donc The Who, avec leur live at Glastonbury, et c'était Shiki Utu, donc, qui ouvrait l'émission. On va continuer l'invasion, mais moins barbare, avec les vétérans new-yorkais de Blue Oyster Cult. En même temps, ce sera la première nouveauté de la soirée. Et leur nouveau live, 50th Anniversary Live in New York, c'est la second night. Oui, car pour leurs 50 ans en 2022, la légende new-yorkaise de Blue Oyster Cult avait fait 3 concerts exceptionnels où ils ont décidé d'interpréter donc l'intégralité de leurs 3 premiers albums, les plus heavy, avec des setlists un petit peu particulières à chaque fois, donc un régal pour les fans. Et c'est pour ça d'ailleurs que le groupe en a profité pour les enregistrer et les filmer. Et donc, maintenant, le deuxième volet donc, vient de sortir là, cet été. Donc, il contient donc, l'intégralité de le deuxième album qui s'appelait donc, Tyranny and Mutation, sorti en 1974, donc il y a déjà 50 ans. Et ouais, le temps passe très très vite. Et peut-être que d'ici la fin de l'année, on aura le troisième volet. Enfin bref, en attendant, on va se régaler avec ça parce que peut-être que le groupe a moins d'énergie, moins de la patate qu'à une époque. Cassé qu'il y a 50 ans, mais par contre, ça joue toujours quand même et ça reste une valeur sûre. Et bon, on peut le dire, lors de la retraite, il n'est pas encore pour tout de suite. Même si je crois que discographiquement parlant, ils ont dit que c'était fini. Mais enfin, wait and see. En attendant, Alive, The Red and the Black, extrait de Tyranny and Mutation, extrait donc du double CD plus DVD ou Blu-ray, 50th Anniversary, Live in New York City, Second Night. Yeah. trust and assure you. Classique de la légende Blue Oyster Cult, OD Don't Life Itself and the Red and the Black, et originellement donc figurait sur l'album studio Mute Tyranny and Mutation, repris entièrement en intégralité live sur ce pack CD, DVD ou Blu-ray 50th Anniversary Live in New York City Second Night, sorti cet été récemment. Et donc c'était la première nouveauté de la soirée. Allons vers quelque chose d'un peu plus sombre avec le groupe de Doom Sludge Blood que je vous ai déjà présenté il y a quelques semaines et leur troisième album Mara. Allons nous écouter Jaina. Blood avec donc Jena, qui est un extrait de leur dernier album Mara, sorti cet été. Ben, on se fait une deuxième nouveauté avec quelque chose de beaucoup plus rock, avec un groupe qui a fait pas mal parler de lui récemment, c'est Last Temptation. Last Temptation donc qui vient de sortir son troisième album Earthstarter là vendredi, donc tout chaud, tout bouillant. Et Earthstarter qui quand même fait pas mal de concerts ces derniers temps, où ils ont pu faire des premières parties comme assez légendaires, comme Dream Theater, Scorpion, Aaron Jones, Black Label Society, Status Quo, excusez du peu. Vous les avez peut-être même vus au Hellfest. Toujours est-il que le groupe a subi pas mal de mutations, et en particulier un nouveau chanteur qui nous vient donc du Québec, un cousin donc de la province québécoise. Et sinon, musicalement, on est toujours un peu dans la même lignée, hein, toujours du hard rock US, mélange de rock 70s et de 80s. On pense à Led Zeppelin, on pense à Van Halen, on pense à plein de choses, et en tout cas c'est très bien fait. Et pour les amateurs de ce genre, d'ailleurs il y a même une reprise du Born to Be Alive de Patrick Hernandez, vous connaissez le fameux morceau disco. Vous savez qu'à l'origine c'était un morceau rock, alors là il a été repris tel quel. Alors je ne sais pas si par contre la version de Last Temptation se rapproche de la version originale. Ça, il faudrait demander ça peut-être au principal intéressé. Enfin, en attendant, c'est pas ce morceau-là qu'on va se faire ce soir. Puis j'ai oublié de vous dire aussi qu'il y a quand même pas mal de guests, quand même, excusez du peu, qui ont joué sur l'album. On y retrouve des gens comme Billy Sheehan, Kenny Aronoff, Vinny Appice, Rudy Sarzo, Don Airey. Ça le fait quand même. Donc, on va se découvrir le morceau qui donne son titre à l'album, c'est-à-dire Earthstarter. Country Communion, le super groupe composé donc de Glenn Hughes à la basse, au chant, Joe Bonamassa à la guitare, Derek Sherinian au clavier et Jason Bonham à la batterie. Waouh, quel CV ces gens-là. Et donc cet extrait de leur cinquième album intitulé tout simplement 5V en chiffres romains. Black Country Communion, You're Not Alone. Juste avant, c'est leur troisième album, c'est la deuxième nouveauté de la soirée, Last Temptation, et leur nouvel album Earthstarter. C'était d'ailleurs le titre qui a donné son titre à l'album sorti récemment, et ça, un groupe vraiment à découvrir si vous aimez le bon hard US, allez-y sans problème. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Rock Hard les a mis ce mois-ci dans les groupes à découvrir. Revenons aussi à une autre légende du métal américain, groupe qui a raté un peu le coche à l'époque, alors qu'ils étaient promis un bel avenir, c'est Metal Church. Metal Church qui est toujours en activité malgré les déboires qu'ils ont eus et qui ont été nombreux. Entre autres, le décès de Mike Howe, leur chanteur en 2021, qui s'est suicidé, quoi, malheureusement. Malheureusement pour eux, quelque part, l'aventure continue avec un nouveau chanteur. Ils ont sorti un nouvel album d'ailleurs l'année dernière. Mais là, en hommage à Mike Howe, ils ont sorti donc un live posthume qui s'intitule The Final Sermon Live in Japan 2019. Donc, extrait donc des derniers concerts donnés par leur chanteur de, pas tout à fait des origines, des années 90. Alors, évidemment, leur dernier album, Damn If You Do, a été mis en avant. Mais aussi, donc, les classiques de Mike Howe, comme par exemple Human Factor, qui était extrait, donc, de l'album du même nom, qui était sorti en 1991. Donc, en live, voilà donc ce que ça donne. To make it rain. Back, back, back, back, back, back, back. pur métal. Et où est-ce qu'on peut écouter du pur métal sur la bande FM sur Orléans? Eh bien, c'est sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Electric Shock. Comme vous avez pu vous le rendre compte à l'instant avec Metal Church et deux extraits de ce live, de son dernier live, The Final Sermon Live in Japan 2019. En hommage à leur chanteur décédé en Mike Howe, décédé en 2021. Et ces deux morceaux étaient à l'origine sur l'album The Human Factor, sorti en 1991. Voilà, ça c'est pour ceux qui veulent tout savoir. Allons faire un petit tour maintenant du côté de Marseille, aller retrouver le groupe MHATW, Me Against the World, si vous préférez, qui est un mélange hybride, mélange de punk, de hardcore, de heavy, de plein de choses assez pop aussi. Et d'ailleurs, comme Last Temptation tout à l'heure, eux aussi ont eu les honneurs de Rock Hard ce mois-ci. Donc on va se faire un petit extrait du dernier EP Endless Loop, sorti début septembre, avec un morceau qui, ma foi, pourrait, à mon avis, passer sur des radios beaucoup plus généralistes, si vous voulez bien s'en donner la peine, comme ce November Pain qu'on va se mettre ce soir. Helping hands, so many ways to blame myself. All the all the fire around us. Living on the edge and no time to surrender. My head is in the middle of the ocean. Over the clouds, over the clouds. Can't control the rhythm of the thunder. We're dancing underneath with no need of a shelter. Looking up to the top of the mountain. And over the clouds, over the clouds. If it's a night or day, my place don't mind, but I will go my way. I've no time for breakdown, drive my shit to fake plans, you know. I'd rather strive and fall on my knees. I felt the try and living dreams. Mysteries above the mist. She's right behind soft fears. Can't stop all the fire around us. Living on the edge and no time to surrender. My head is the middle of the ocean. And over the clouds, over the glass. We can't control the rhythm of the thunder. We're dancing underneath with no need of a shatter. Cool tout ça, mais bien sympa. Donc, venu du Grand Est, Wild Nation et leur dernier EP Beyond the Reach, c'était Over the Clouds. Juste avant, Wild Nation, c'était donc venu de Marseille, MHTW, et leur dernier EP aussi, Endless Loop, c'était November Pain. Maintenant, on va se faire un petit tour de, continuer notre tour de France maintenant à Montpellier, retrouver les Shérifs. Les Shérifs, toujours aussi agités du bocal avec leur dernier live près du chaos, enregistré lors de leur dernière tournée pour leur album Grand Bombardement Tardif, d'ailleurs, qui est bien représenté sur ce live récent enregistré donc à Saint-Nazaire en novembre 2023. Ça, c'est pour ceux qui veulent tout savoir. Mais il y a aussi des titres plus anciens, des classiques, comme par exemple Mayonnaise à gogo. Ah! 3-2-1-0, mayonnaise à gogo. Ben, ça, c'est deux extraits du live Près du Chaos des Shérifs. C'est pas pour rien qu'on les a appelés les Ramones français, et ben, moi, ça m'a rappelé vraiment leur concert à l'Astrolabe du mois d'avril dernier. On va se faire encore une nouveauté, la troisième de la soirée, alors là, dans un style complètement différent, avec un groupe français de folk originaire de Paris et de Metz qui s'appelle, alors je m'excuse pour la prononciation, Raffengrim. Ça veut dire en vieux norrois celui qui porte le masque du corbeau. Donc vous voyez, là on est dans ce qu'on appelle du néo-nordique, mélange de musique scandinave avec des instruments d'origine, d'époque, et mélange de métal pour des voix assez rauques, enfin plein de choses comme ça, comme il y a beaucoup de groupes dans ce style. Toujours est-il qu'ils viennent de sortir donc leur premier album récemment, qui s'appelle, alors que je n'écorche pas le nom non plus parce que c'est quand même particulier, Niflheimsaga, et on va découvrir avec le morceau Ifir Tarin. Je m'excuse encore une fois pour la prononciation, donc registre complètement différent, mais c'est ça Electric Shock, c'est tous les styles de métal et tous ses dérivés. Altar kalt, C'est clair qu'on serait cru dans la série Viking. Alors c'est le groupe français malgré tout, Raffengrim, qui nous interprète en norrois Ifir Tarin sur son premier album Niflheims Oga. Je m'excuse encore une fois pour la prononciation. Et voilà, ça c'était donc la troisième nouveauté de la soirée pour Electric Shock. On va revenir à quelque chose maintenant, un groupe français qui lui chante bien en français. Le groupe Eclipse, oui, ne pas confondre avec le groupe de Hard FM suédois, avec un premier album prometteur qui s'appelle Anaglyph. Et ce soir, on va se faire un morceau en deux parties qui s'intitule Les fantômes du passé. Tout d'abord, une petite première partie qui, elle, est plutôt instrumentale. Fabriquer de tes mains des bateaux en papier. L'écume recouvre nos traces. Les moments s'arrêtent. Les châteaux de sable en lutte contre les éléments. Perdu le dernier qui vint le gras et le temps. Si fines sont les strates. Tu arpentes mes souvenirs, mais le spectre c'est moi. Les cieux nous séparent. N'oublie pas mon visage. Les courants se taisent là où on s'est quitté. Les ombres me délaissent. Je rappelle à leur place ces sourires qui s'effacent. Les fantômes du passé reviennent nous hanter. tue-tête battent l'éternité. Soumis le nuage aux formes emprisonnées, pourrais-je douter où mon esprit me ment? Les matins assoupis où je sens ta présence. Quand revivrai-je ces instants submergés, renfloués des mers comme les paves d'un naufrage qui referait surface? Le fantôme du passé revient nous hanter dans nos plus faibles jours. Les fantômes du passé reviennent nous porter jusqu'au creux de nos jours. Les fantômes du passé, comme les roses fanées, s'attendent auprès de nous. Les fantômes du passé, quand le soleil levé laisse des preuves d'amour. Ambiance à la Noire Désir, un peu moins torturée, mais quand même. Ça, c'était Eclipse, avec ce morceau en deux parties. Les fantômes du passé, extrait de Anaglyph, un groupe à suivre qui pourrait vraiment, je pense, percer dans le rock français. Quand je dis rock, rock en général. Voilà. Revenons à quelque chose d'un peu plus métal. On va revenir au live de Within Temptation, World's Collide Tour Live in Amsterdam, qui est sorti au printemps dernier. Et qui est un témoignage de la dernière tournée qui devait initialement avoir lieu en 2020 mais qui a été reportée, vous savez, à cause du Covid. Et Within Temptation qui actuellement est en tournée pour son dernier album. Donc c'est un petit peu particulier, donc les deux se chevauchent. Enfin, toujours est-il qu'on va se régaler avec un extrait de ce live, avec Raise Your Banner, qui à l'origine était un extrait de l'album Resist, qui était leur dernier opus en date. Donc en live, ça donne ça. Dat doet de Oekraïne ook. En daarom wil ik het nummer opdragen aan de Oekraïne. Dankjewel. Yeah! Je dois avouer que je n'apprécie que modérément les derniers albums studio de Within Temptation, mais par contre en live, c'est vrai que ça le fait vraiment, hein, et c'est toujours un groupe exceptionnel à voir. À l'instant, Entertain You, qui à l'époque était le dernier single qui était disponible juste en version digitale et qui maintenant figure sur le dernier album studio sorti en fin d'année dernière. Et Raise Your Banner, qui lui était à l'origine donc sur Resist, le dernier album studio. Et là, ces deux extraits sont sur leur dernier live, Worlds Collide Tour, Live in Amsterdam, qui est sorti là au mois de juin et qui a été enregistré donc en 2020 lors de la tournée commune avec Evanescence. Et là, il est 20h33, ça veut dire qu'on attaque la dernière demi-heure d'Electric Shock. Et je vous rappelle qu'Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Puisqu'on parlait de chanteuse, et ben on va continuer toujours avec une autre chanteuse aussi à voix. Blue Spills avec l'extraordinaire Eileen Larson, avec sa voix très proche de Beth Hart ou aussi de Janis Joplin, qui nous a sorti un album magnifique, Birthday, cet été, comme toujours. Toujours inspiré de ce rock 70s, c'est vrai que s'il n'y avait pas ce son qui était assez moderne, on pourrait croire que c'est un groupe oublié dont l'album aurait été resté dans des tiroirs pendant toutes ces années. Enfin, toujours est-il que l'esprit des 70s est bien là, comme on va s'en rendre compte avec son Don't You Love Hit. I've arrived in the city, Charlene. Now you're working the underground scene. You've been getting bolder. Charlene, though I couldn't help but notice, my darling, the makeup don't quite cover up the early evening shadow. L'esprit des 70s, il est bien là, et pourtant eux, c'est vrai que ça en a été même des fondateurs, des piliers de cet esprit. Deep Purple, qui nous montre qu'ils ont toujours la patate sur leur dernier album Equal One, c'était A Beat on the Side. Eux ne les ont pas connus, mais par contre, l'esprit des 70s, ils l'ont bien assimilé. C'est les Suédois de Blues Pills, comme vous avez pu le constater sur le dernier album Birthday, ce soir c'était Don't You Love It. Et bien, il est temps de se faire la quatrième et la dernière nouveauté de la soirée avec le single, enfin le maxi-single, comme on appelait ça à l'époque du vinyle, de Bruce Dickinson, Resurrection Man, qui contient donc le morceau-titre, ainsi que deux titres live, Afterglow of Ragnarok et Abduction, qui à l'origine figuraient sur l'album Tyranny of Souls, sorti en 2005. Et bien donc une version live enregistrée à Sao Paulo, ça va être donc la quatrième nouveauté de la soirée. Hello! Légende de la New Wave of British Heavy Metal, Tigers of Pantang et son dernier live, Lifeblood, c'était Only the Brave. Et juste avant, c'était donc la dernière nouveauté de la soirée, le single de Bruce Dickinson, Resurrection Man, avec une version live de Abduction, enregistrée à Sao Paulo. Revenons dans le Grand Est, retrouver Green Marsh et son rock blues avec son EP Back to the Wall. Et allons faire un tour du côté de la Golden Crown. Another nightmare day begins. You have to see the fancy side. Gotta wear the golden crown. You gotta run the round, the round, the round, the round, the round. You have to see the fancy side. Had to wear the golden crown. Long time, long time, long time. Hide 'em out above your bed. Excuse me, babe, I gotta change, but if you really, really want me to, sometimes I know it cools your pain, but I don't wanna turn. Say, baby, what I want. I've gotta be straight, I've gotta be fast. I love say, baby, what I got in my head. 'Cause I love you. No filter. I love say what I want. No filter. Ambiance plutôt jazzy, voire blues, mais vraiment sympa. C'était Justin Blue avec son premier album True, sorti en 2022. Et c'était No Filter. Juste avant, Golden Grain Marsh, groupe du Grand Est, et son album Back to the Wall. Golden Crown, pareil, dans le même lignée. Mais j'en ai juste le temps de se faire un dernier morceau avant Electro Live. Et on va se faire un truc qui pète un petit peu plus pour terminer. On va retrouver les hardcoreux de Rats Don't Sink et leur album Button Ship. Et on va terminer avec Detox. I'm Detox, donc, de Rats Don't Sing. C'était le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec, oui, j'aurai des nouveautés assez sympas normalement à vous proposer. Restez bien branchés sur Radio Arc-en-Ciel parce qu'Electro Live va commencer. Bah, tiens, on va voir tout de suite avec l'ami Christophe qu'est-ce qu'il a nous proposé ce soir. Salut Christophe. Salut, bonsoir à toutes et à tous. Qu'as-tu à proposer aux amis Nightclubbers? Une session plutôt house ce soir. Pour faire suite, la semaine dernière, c'était progressive, là, ça va être de la house, avec une quarantaine de, ouais, de nouveaux de titres tout neufs, sortis une semaine ou deux. Donc du tout nouveau, tout beau, tout chaud. C'est ça, avec un petit peu de funky, là. Un peu plus, je ne sais plus, peut-être voilà, un donc, peu de funky. Voilà, là, là. Quand même, l'animateur ne sait même pas ce qu'il va proposer. Quand même. Ah, c'est fait fort, ma playlist assez tard. Je m'en rappelle plus. Donc, restez bien proches. Vous allez découvrir en même temps que l'animateur ce qu'il va diffuser ce soir. Yes. Restez bien branchés. Electro Live, c'est tout de suite.